Les mains blanches. Adrien était un enfant soigneux. Il tenait ses habits en ordre. Il avait une brosse pour les brosser lui-même. Aussi, tout le monde lui disait souvent « Adrien, tu as donc un habit neuf ?» Sa mère l'aimait. Elle en était fière. Car un enfant qui aime la propreté est un bien bel enfant. Il ne courait point exprès dans la boue. Personne ne se rappelle avoir jamais vu une tache sur les vêtements ou sur les mains d'Adrien, qui avait alors 4 ans. Donc sa mère avait un plaisir infini quand il les passait à son cou, dans un transport caressant. Le plus beau collier d'or lui eût semblé moins précieux que les petites mains toujours blanches et bien lavées d'Adrien. La propreté et la parure de tous les âges.